إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخذنا الباب الأول ما كان هذا الباب موضوع الباب ستكون تجد الباب قناقي حق على العباد وحق على العباد حق على العباد وعلى وجه العموم سيكون حق الله في العباد التوحيد أن يعبده ولا يشرك به شيئا وحق العباد يا الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا نعم شنو شتي با سو كي لو شيا والشهاده لا اله الا الله مبنيه على ركنين اللي باتيسو دو بيلي كيفتيل الاثبات والنفي On a pris une faïda par rapport à l'Ubudiyya. Elle était en combien d'aqsam? Trois aqsam. Mahia. Al-amma, wal-khassa, wal-khassa, al-khassa. C'est quoi l'amma? Amma, c'est par rapport à tout le monde. Que ce soit même les koufars, les musulmans, ça semble toutes les fatures. Nous sommes tous des serviteurs d'Allah. Non. Wal-khassa. Khassa, les musulmans. Wal-khassa, al-khassa. Les anbiya wa rusul. نعم أحسنت طيب ندخل الآن في الباب الثاني وهو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب كرمال التوحيد سكيل اكسبي كم بشي لفاس كم بشي قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى وفجاء قوله تعالى وقوله وقول الله تعالى وجلده الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم أمن وهم مهتدون Alors ça soit là il dit et ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché leur foi d'injustice on va expliquer après le sens ceux-là auront la sécurité et pourront le bien guider ومن عباد بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه أي يعني متفق عليه وفي الوضع لم الصامت كان المسجد الله صلى الله عليه وسلم a dit que celui qui atteste qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré ce n'est Allah seul son associé et que Mohammed est serviteur et son messager et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager et sa parole qu'il a envoyé à Maryam, accordé à Maryam, et qu'il a un souffle de lui, et que le Jannah est réel, réalité, ainsi que le Nar, le feu, il rentrera que Allah le rentrera au Jannah, quelles que furent ses œuvres. Yadam Ma'ana. Voilà Huma fi hadith Adwan. Fa inna Allah haram al-Nar ala man qala la ilaha illallah yabtari bidhalika wajallah. Et que selon Adwan, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah certes a interdit au feu dire de consommer ou de manger celui qui aura dit la ilaha illallah en cherchant par cela le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Sa'id al-Khudri an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qal Musa ya Rabb 'allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bih. قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى رو أن السماوات السبع وعاملهن غيري والأراضين السبع في كافة ولا إله إلا الله في كافة ملت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم والصححة وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بكرابها مغفرة وهذا الحديث صحيح أما الحديث أبي سعيد هذا ضعفه الألباني رحمه الله تعالى ضعيف لون يعني مكلاسيكو après que l'auteur nous est cité dans le premier bab quel était donc le droit d'Allah sur nous, il y a avec le second bab qui est le mérite justement de ce tawhid. le mérite de ce tawhid. Ce qui accorde encore plus, qui motive encore plus les ibad, Iqbalan alayhi, qui sont encore plus motivés à l'appliquer ce tawhid. En premier lieu, qu'ils sachent que c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, et ensuite qu'ils sachent également qu'il y a à en tirer un grand avantage qui est que cela kafir zunub, qui explique tes fautes. Donc tu as encore plus envie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça monte dans la parole d'Allah dans le sens où il dit Al-lazina amanu al-aya. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché, c'est-à-dire mélangé, imanuhum bi-dhulm, ou nan ma'na bil-qasd bil-iman ou al-tawhid. Ceux qui n'ont pas mélangé à leur tawhid du dhulm, ceux-là auront la sécurité et ceux-là sont les mains guidées. C'est-à-dire qu'on a eu un tawhid pur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a parlé le shaykh, لهم الأمن أي الأمن الكامل والهداية الكاملة إذا كان إيمانهم سليما من الظلم كله دقه وجله من الشرك وما دونه من المعاصي وظلم العباد. Donc ils disent la sécurité, c'est-à-dire la sécurité pleine, complète et la guidée complète. Cela, à quel moment, si leur foi, en réalité, de leur tawhid, seront préservés du shirk, qu'ils soient grands ou petits, sous toutes ses formes. Et même si en dehors du shirk, il y a les marasi. Et parmi ces marasi, vous mettez l'ibad le fait d'être injuste envers les gens. Dans le hadith d'Ibn Mas'ud, lorsque ce verset est descendu, Shaqqal al-Muslimin, ce verset leur a. Les a surpris, car ils ont dit Hey Yuna, la yazoum nafsa, qui d'entre nous n'a pas fait de vouement vers lui-même. Quand on a mis son famille, il leur a dit Leïsa hada, ou inama ou shirku. Alam tasmaha ou le koli, al-abd salih, lokman, via koli bni ou yaïduhu, yabuneya, la tushirik billah, inna shirka la zoumouna azim. Qui leur a dit Ce n'est pas cela que vous pensez. Là, c'est le shirk. N'avez-vous pas entendu la parole de Lokman lorsqu'il dit à son fils, alors qu'il exhorte, dans le sens où Allah dit Oh, mon cher fils, mon jeune fils, n'associe rien à Allah, car certes, le shirk est une immense injustice. Bel wa zoum al-a'zam. Elle veut, quand du cloque, elle a le pouf, le shirk. Qu'a fait Kullah Azza wa Jal, wa man namakum biman zalallahu fa ulaika humu zalimun. Et avant, elle avait dit, al-kafirun. Et après ça, il dit, al-fasikun. Donc le fasik, ça peut être du kouf. Ça peut être un kafir. Et le zalim, ça peut être un kafir. Ça dépend. Donc là, celui qui n'a pas entaché son iman par du zoum, c'est-à-dire le shirk, ceux-là auront la promesse de ce verset. Donc cela est une chose qui t'incite encore plus, quand même, à être parmi les adeptes du tawhid pur. Et le zoum, ma huwa zoum wa waz a shay fi ghayr al-mawdi'i. C'est le fait de mettre une chose hors contexte, qui n'est pas à sa place. Hada huwa zoum. Là, non, on a que tout le monde. Wa waz. الشيء في غير موضعه وضع الشيء في غير موضعه في غير موضعه هي تشوز شوز كي ني با سان بلاس والعكس والحكمه والعدل كذلك نعم غير موضعه Et le shirk, le zulm, peut-être de trois formes. Al-awwal, al-zulm, bayna al-abd wa rabbihi. Wa la ala rabbihi. C'est-à-dire l'injustice que pourrait commettre le serviteur envers lui, son Seigneur. Et non pas envers son Seigneur. Là, Allah est le zulm. On ne peut pas faire d'injustice envers Allah. Ça va? Mais c'est entre toi et lui dans le sens que tu n'auras pas respecté c'est son décret. Thumma al-zulm zulm al-abd ala ghayrihi. L'injustice du serviteur sur autrui, qui n'injuste envers les gens. Wa zulm al-abd ala nafsihi. Que le serviteur soit injuste envers lui-même. C'est-à-dire, pas les péchés. Il se nuit lui-même par les péchés. ولذلك قال والمؤمن إذا سلم من الشرك الأكبر والأصغر وذم العباد فله الهداية الكاملة والأمن التام في الدنيا والآخرة. Qui dit que le mu'min, si jamais il est épargné du shirk, qu'il soit akbar ou asghar, majeur ou mineur, ou qu'il soit épargné de l'injustice envers les gens, alors il aura quoi? La guidée complète et la sécurité totale en cette dunya et dans l'akhira, c'est-à-dire dans son cœur. Cette dunya dans son cœur. Bien évidemment, quand on dit sécurité, ça ne veut pas dire qu'il n'arrive à rien. Il est éprouvé par des choses. Dans le sens, dans son cœur, il sera en sécurité. Il sera apaisé dans son cœur. وإذا أما إذا سلم من الشرك الأكبر ولم يسلم من الأصغر ومن بعض الذنوب فهدايته ليست كاملة وأمنه ليس كاملا بل ربما يدخل النار بالمعاصي التي مات عليها. Et par contre, si jamais il est épargné du grand, on va dire du shirk majeur, mais pas du mineur, et de certains des péchés, alors sa guidée ne sera pas totale, ne sera pas complète, ni sa sécurité. Il se peut même d'ailleurs que par la suite, il rentre au feu pour les marasis qu'il aura commis, sur lesquels il sera mort, c'est-à-dire sans tawba. Donc cela demande bien que les marasis, comme il dit, que sa guidée ne sera pas totale. Les gens qui assemblent de marasis, tu les verras souvent avoir dans leur dîn un khalel, une défaillance. Qu'ils soient parmi les awam, qu'ils soient parmi les gens de la bid'a, ou même parmi les gens qui se disent de la sunna, qui commettent beaucoup de péchés. Tu verras dans leur dîn, il y aura un problème. Ils ne sont pas mouafsakoun dans beaucoup de choses, de situations. Ça, c'est le zonoub. Après, pour passer au hadith de Ubadah ibn Samit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man shahida an la ilaha illallah, ila akhirihi, adkhalahu Allah wal jannah. Awalan al-shahada, qu'on appelle attestation, huwa i'tiqad bil-qalb, c'est une croyance du cœur, huwa i'tilaf bil-lisan, et une reconnaissance par la langue, huwa tasdiq bil-jawarih, cela est confirmé par les membres, tu le vois à travers les actes, huwa hadha mimma min al-iman, c'est ça l'iman, huwa i'tiqad bil-qalb, huwa qul bil-lisan, وعمل بجوارح ويزيد بطاعة وينقص بالمعاصي. Il augmente par l'obéissance et réduit par les maasi. Après, dans le hadith, celui qui va tester justement la ilaha illallah et que Muhammad et son serviteur et son messager, cela est un rad à ceux qui ont déjà ceux qui ont renié Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'une part, ou ceux qui l'auront accepté qui auraient du roulou en lui, qui l'auraient élevé à un niveau qui n'est pas le sien. Comment cela va venir, Inch'Allah, dans l'un des abouams du kitab, El Roulouf Issa'al-Ihin. Il ne faut pas exagérer dans sa personne. Qu'il est le serviteur d'Allah et son messager. C'est-à-dire qu'il n'a pas de part dans Tadbir al-Umur et dans Al-Ilahiyya. Il n'y a rien qui lui revient, on n'a pas à l'invoquer. Bon, elle est valide comme le font beaucoup de gens, malheureusement, en cette époque. Pour revenir, Issa également, qui est le serviteur d'Allah et son messager et sa parole qu'il a mis en Maryam et un de ses souffles. Cette partie du hadith est un rod aux Yahoud et aux Nassar. Les Yahoud, car ils ont renié Isa, alayhi salam. Et on dit que c'est wa ibn Zina, que Maryam a fait Zina pour avoir Isa. Donc là, c'est cette partie du hadith, c'est un rod sur eux. Car elle dit qu'elle est maître ou al-Qahal et Maryam. Et également qui, au Rasoulou, ils ont renié le fait qu'il soit un messager. Et d'ailleurs, ils ont essayé de le tuer, comme tu le sais. Et également, Rab, à qui on en sort, aux chrétiens, qui eux l'ont élevé autre que sa personne, qui lui ont apporté une part de la divinité, qui ont dit qu'il est le fils d'Allah, ou qu'il est le troisième des trois, ou Rayl Zalika. Donc là, il a bien dit que. Là, c'est un hadith Qudsi. La fois, non, c'est pas un hadith Qudsi. Dans ce hadith, Nabi Sallam dit bien celui qui dit que Isa est le messager d'Allah et son serviteur. Donc ce hadith, à lui tout seul, suffit à réfuter les gens qui disent que les juifs et les chrétiens sont nos frères. Ils sont des croyants. Il nous a dit qu'on rafadu Isa ibn Maryam, kharafu ad al-hadith. Le simple fait qu'ils ont renié Isa, ils sont opposés à ce hadith. Et comme on l'a dit hier, dans les hadiths, أركان الإيمان الإيمان بالرسل الفدي قوة ومساجة tels qu'ils sont sans rajouter dans leur statut ni réduire de leur rang contrairement à ce qu'ont fait ces gens-là qui sont des koufars. Dans sa parole kelimatuhu al-kohen et Maryam kelimatuhu, c'est-à-dire qu'en fait Isa a été créé par rapport à Allah et non pas qu'il est le kelam d'Allah dans le sens qu'il est une sifa d'Allah, que Isa il a été comment par la parole d'Allah. Quand il a eu kun, fallait kun. Il dit soit et il est. Wa ruhun min, un souffle de lui, hadha min arwah allati hiya min makhluqatillah. C'est un ruh de d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses arwah, les souffles qu'il a. Là, ce ne sont pas des sifat d'Allah mais des créations. D'accord, des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le Jannah est vérité et que le Nar est vérité. Pour ceux qui renieraient l'enfer et le paradis. وَكَذَلِكَ نَقُولْ أَنَا النَّارُ وَالْجَنَّةَ مَخْلُقَتَيْنِ الْآنِ. Le feu et le paradis sont créés maintenant. Ils sont présents maintenant. خِلَافًا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَهْلِ الْبِدَعِ. Certains gens de l'innovation ont renié cela. Avant le Mu'tazila. Ils disent que le feu... Il n'y a pas de raison que Allah subhanahu wa ta'ala crée le feu maintenant et le djinnah maintenant, parce que ce n'est pas maintenant que les comptes auront lieu. On dit les hadiths sont venus pour démontrer que le feu et le djinnah sont présents maintenant. Donc on n'a pas à remettre en compte ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Et leur présence actuelle a une hikmah. Qu'on la voit, qu'on ne la voit pas. Mais ce sont des gens, ils font qaddam leur aql, leur raison sur le texte. Donc Allah rentrera cette personne-là au djinnah. Il a dit, regarde dans le hadith, man shahida. On avait pris dans les on avait pris quoi dans les sous le fiqh, même c'est al-fadl al-umum. Donc quiconque aura fait cette shahada, pas mal, et qui aura eu cette croyance là, cette shahada comme le cheikh veut le dire, elle implique des actes, pas mal, que Allah le retrouvera au jannah. فقال فمن شهد هذه الشهادة صادقا أدخله الله الجنة وهذا من الأحاديث المطلقة الدالة على فضل التوحيد. Que celui qui témoigne de cela, attestera de cela, avec véracité, Allah le retrouvera au paradis. Et ça, ce sont parmi les hadiths qui démontrent, dans l'absolu, le mérite du tawhid. Mais il dit par la suite que d'autres textes sont venus pour mettre des conditions. Mettre des conditions. Pour les personnes qui auront fait cette shahada. Que ceci doit être fait avec ikhlas, sincérité. Amen. Et de se laisser mener avec les shurut de la ilaha illallah. Les shurut de la ilaha illallah. Parmi elles, il y a l'ikhlas, l'inqiyad, l'mahabba, l'kaboul, l'ilm, l'yaqin, l'sidq, l'kufr bima'ubida bidunillah. Yani kufran bima'ubida bidunillah. C'était les 8 là. Kaboul, voilà. C'était là. Oui, il y a un dit, l'ikhlas, la sincérité, l'ilm, la science, le savoir, l'yaqin, la certitude, l'kaboul, l'acceptation, l'qiyad, le fait de se laisser mener, l'mahabba, l'amour, l'sidq, la véracité, et le huitième qui est kufran bitta'arut, kufran bitta'arut, le fait de ne pas au ta'arut. Si les conditions sont requises pour la shahada, et parmi elles, l'qiyad, donc l'qiyad, ça inclut des actes. Et non pas une simple parole. Et il dit que celui qui fait cette attestation et qui la souille par les ma'asi et par les mauvaises actions et qui ne la prononce que par sa langue et que par contre dans son cœur il fait du shirk, lui, il est un munafiq, c'est un hypocrite. Nifaq al-akbar al-irtiqadi, celui qui sort de la millah, celui qui est du kufr. Car le nifaq, les deux catégories, irtiqadi ou amali. Irtiqadi, c'est le nifaq al-akbar. Le nifaq qui est majeur. Celui-là qui te rend mécréant. Et tu as le nifaq qui est al-asrar, le mineur. Qui ne te sort pas de la umma. Tu es un musulman, mais n'as plus cette iman, avec une foi qui est réduite. Il dit par contre, celui qui la prononce avec fermeté, certitude, et qui œuvre, c'est-à-dire qu'il n'a plus que les ordres, qui délaisse les nawahi, les interdits, et qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors lui est concerné par ce hadith. Et celui qui aura fait cela et qui aura une partie de ma'asi, une partie de ma'asi, de péché, lui, doit tarter le mashi'a. S'il fait tawba, il meurt, avant de mourir, il fait tawba de ses ma'asi, sincèrement, Allah, il yarfou anhu. Comme a dit Ta'ala, « Inna Allah la yarfiru ayushraka bi, wa yarfiru ma dun zalika li man yasha. » Que Allah ne pardonne pas ou le quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela qu'il veut. Celui qui fait tawba, allez, celui qui meurt sans faire tawba, tartel machine. Si Allah il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le fait passer au feu un temps pour pouvoir expier ses fautes. Ça revient à Allah, c'est lui qui décide. Mais quoi qu'il en soit, s'il est mort sur le tawhid, masiruhu il jannah, il finira au jannah. Et c'est ça qui veut dire par là, à la fin qu'on dit, alama kana min amal, quoi qu'il fait comme acte. C'est-à-dire comme péché. Or, le shirk. Ça ne veut pas dire que tu fais ce que tu veux, tu dis la ilaha illallah. Je dis que Muhammad Rasulullah wa abduhu, et dis Isa Rasulullah wa abduhu, et après tu fais ce que tu veux. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que si tu as dit la parole la ilaha illallah, tu as reconnu tout cela, le contenu du hadith, et que tu as œuvré en mesure de ce tawhid, mais qu'à côté de ça tu avais des ma'asi, à côté de cela, ces ma'asi, quand même, te seront expiés soit directement, si Allah le veut, ou soit par un passage au feu. Mais au final, tu finiras comment ? Tu finiras fil djinnah. C'est ça que ça veut dire. Car des gens interprètent très mal ces hadiths. Après, il parle du hadith de Utban. Utban, c'est l'aveugle qui avait demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de venir faire salat chez lui afin de pouvoir trouver un lieu pour en faire un musalla pour lui. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au feu celui qui aura dit la ilaha illallah, bishart, qui cherche par cela le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Il est sincère dans ce qu'il dit. Et man qalaha an sidq wa mata 'alayha adkhalahu Allahu al-jannata wa in kanat lahu dhunub fa huwa tahta al-mashi'a wa in lam yatub min dhunubihi kama taqaddam. C'est-à-dire celui qui dit ses paroles avec véracité et qui meurt dessus, que Allah le retrouvera au jannah. Même s'il avait des dhunub, et s'il en avait, il est sous la mashi'a, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il ne fait pas tawba de ses dhunub avant de mourir, comme l'a expliqué, soit il sera pardonné si Allah veut. En tout cas, il est tartel wa'id. Il ne faut pas dire ça. Il est sous la menace. À la base du péché, il y a des menaces. Surtout les kaba'ir, il y a des menaces derrière. Tandis que celui qui l'a dit avec véracité, sincérité, et qui ne persiste pas quand tu parles sur des péchés, lui, pourquoi ? Car il a une foi qui est kamil, ou plutôt un ikhlas qui est kamil, et cette complétitude de l'hymen l'empêche de continuer sur le marasi. Il fait un péché, il se rappelle, il arrête. Celui-là, il entrera au Jannah, quand même, dès le début. Ibtida'an, comme on va le chier. Donc là, ces ahadiths font en même temps des redoutes sur qui ? Sur les Mu'tazila, les Khawarij et les Murji'a. Les Khawarij, ils disent que Murtakib Kabira, il a trouvé le nar, Khawarij Anfiya. Le Mu'tazila Kazalik. Il n'a pas Yakoul, Yakoulou Anna. Ils disent que celui qui commet les grands péchés sera au feu. La différence entre les Mu'tazila et les Khawarij, c'est que les Mu'tazila disent qu'il est entre eux devant intermédiaire. C'est ni un croyant ni un kafir. Et les Murji'a, ils disent que celui qui a pour croyance, qui dit la ilaha illallah, après il y a des degrés chez les Murji'a. T'en as dit, le simple fait de connaître Allah dans ton cœur, cela suffit. Quoi que tu fasses. D'autres disent que tu l'as prononcé. Ouais, Zalika. En tout cas, Amishé a sorti les actes de la foi. Et Moussa Magimène. C'est-à-dire, même si tu n'as pas fait d'acte, tu n'as rien fait, tu as la croyance de ton cœur, ça te suffit pour être parmi les gens de Jinn. Pour faire de toi un mu'min. Enfin, ces hadiths ont des redoutes sur eux. Car la shahada, déjà, elle inclut quoi ? Une parole. C'est un acte. C'est un acte. Après, dans le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, ce hadith est da'if. Parce que Moussa, alayhi salam, il a demandé à Allah qu'il lui enseigne une parole, un dhikr par lequel il fait son évocation. Et que Allah lui a dit, dis, la ilaha illallah. Et que Moussa, il a dit, tous tes serviteurs disent cela. Les ulama, malgré tout, le hadith l'explique en disant que ça prouve que le fable de la ilaha illallah, même certains messagers, ne le savent pas forcément, le haut mérite de cette kalima. Et Moussa est parmi Oulul Azm, les dotés de fermeté, les cinq dotés de fermeté, le plus grand des messagers. Il est le plus grand messager des Bani Israël, alayhi salam. Donc ils disent, en écrivant ce hadith, bien qu'il soit faible, je ne sais pas pourquoi on se base dessus, s'il a été affaibli, car ça rentre dans l'article, dans les. Naam. Al-Muhim, que cela démontre la grandeur et le mérite de cette kalima. La ilaha illallah qui est kalima al-tawhid. Car Allah, par la suite, il dit quoi? Que même si tout ce qu'il y a dans les cieux, les sept cieux et la terre, les sept cieux et sept terres, quand même, sur un plateau de la balance, en dehors de lui, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cette kalima était sur notre plateau de la balance, elle l'emporterait. Ça, ça ressemble au hadith d'Abi Sa'id al-Khudri de cet homme, Hadith Abitaqa, qui viendra Yom al-Qiyama avec 99 Nisijilat, Kullu Ameliyam et Seyyat. 99 registres remplis de Seyyat, de péchés, et ces registres s'étendent à perte de vue, à perte de vue, comme on dirait. Et Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, elle tartanise bizarre, Yaqul Naam, il reconnaît tout. Et donc lui, pour lui, il est perdu. Il dit, Inna laka indana hasana, al-yawm la tuzlam. Tu as aujourd'hui une hasana, tu ne seras pas lésé. Et là, ça prouve bien que le tawhid, on peut l'appeler hasana. Et le abdi dit, Mahia. On avait une bita à quoi? Maktoufiha, la ilaha illallah. Avec une carte sur laquelle il écrit la ilaha illallah. Que cette carte est posée sur un plateau de la balance, et que tous les registres contenant tous les péchés sur un autre plateau, et que là, il va en porte sur elle de façon immense. Ce qui montre le tawhid en un ou grand sur toute chose. Mais là, c'était quelqu'un, les ulama ils expliquent qu'il a fait beaucoup de péchés, mais il faisait les wadibat. Il faisait des actes. C'est pas quelqu'un qui faisait que du péché. Il y a beaucoup de péchés en un, mais son tawhid lui a valu le pardon. Mais qu'il méritait. À la base, il était sous la menace du châtiment. Il a eu peur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Au fond des grâces. Et pour finir avec le hadith d'Anas, qui est un hadith qu'on sait, on voit sahih, que Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit au fils d'Adam, si jamais tu me rencontres avec autant de péchés que le contenu de la terre, et que tu ne m'associes rien, quand même, je te viendrai avec autant de pardon. Donc ce hadith-là, également, min adillat ala natouhi du kafir al-zunub, car il dit bien, tu ne m'associes rien du tout. Et là, avant min adillat ala itjian min sifatillah, quand même, qala la ataytuka bi kurabiha maghfira, la ataytuka. Donc là également, ce hadith est conditionné par l'ikhras et les shurud de la ilaha illallah, bien évidemment. Comme on dit, car d'autres hadiths sont venus, ja bi koyud, d'autres hadiths sont venus sur les œuvres. Amen. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité ceux qui ont cru, si ce n'est avec les œuvres. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Toutefois, il cite les gens qui ont cru, il cite par la suite. Qui ont fait de bonnes œuvres. Ça va ensemble. Bien al-A'mal min al-Iman. Min Moussama al-Iman. Min Arkan al-Iman. Donc là, tous ces hadiths sont venus pour ce bab qui démontre le tawhid parmi ses plus grands mérites, qu'il est une cause d'expiation des péchés. Et celui qui commet des péchés, malgré cette kalima, lui est exposé au danger du feu, du azab. Donc ne pas non plus, c'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit quoi dans le bel précédent, comme un collègue Mouaz, Fallo Bashirun Nas, qu'elle est là, fait taquille. Ne leur dis pas parce qu'ils vont se reposer là-dessus, s'ils savent cela. Et aujourd'hui, évidemment, c'est arrivé. Les gens se reposent sur ce genre de hadith pour ne pas œuvrer. Ils espèrent. Et Chiron Fouin a dit ça, Mine Ghuru, laissez le Raja. Un Raja, l'espoir, est basé sur une chose concrète. Amal Ghuru, c'est des illusions. Tu tu lui dis des choses qui sont irréelles. Donc, quelqu'un qui espère entrer au Jannah sans faire d'acte. Il dit, Anna, là où je suis, Bellaïché, Anna. Amen. Mais tu fais vraiment plus, là, t'as un boudou. Là, tu chèques lui, là, t'as un boudou. Donc, tu ne fais pas de chef, mais tu n'es pas wahad. Ma wahad ta. Tu n'as pas unifié en adoration, tu n'as pas adoré. Donc, ça ne sert à rien. Adam Mujarad, non, tu serais sincère, tu aurais œuvré. Tu ne peux pas dire là et là, et là, ne peut œuvrer. Ce n'est pas possible. Par des rois, quand le hatta fait tariq al-salat, celui qui dit sa salat, et qui dit la ilaha illallah, il a la kadzad. Donc c'est Cheikh Ahmed Bess qui dit ça. Celui qui dit la ilaha illallah, il dit je suis mu'min, je fais la shahada, mais ashab al-tawhid, c'est pas la salat, il y a la kadzad. Lui, c'est un menteur. Tu peux pas dire la ilaha illallah, et te dire mu'wahid, et tu fais pas l'un des piliers qui, à la base, peut te coûter la vie. Si tu le délaisses, même tu le délaisses, hein, tu le délaisses en le reconnaissant comme étant obligatoire, mais tu ne la fais pas. El hakim alayhi, hein, yadribar mukak. Yastatibuk thumma yaktulak. Inam takbel. Il t'enferme, il t'emprisonne. Tu ne fais pas la salat, il t'exécute. Et à la base, normalement, on n'a pas à te menacer pour la salat. Mais là, tu l'as fait toi-même à la base. Après, les gens diffèrent dans leur iman. Donc là, c'est le bête qu'on a pris aujourd'hui. On va prendre les masaïl tirés de ce bête. Quand les masaïl sont tirés des adillas cités ici. Al-awwal, sa'at fadlillah. La largeur, la largesse du mérite d'Allah spontané. Très large. Thaniya, kasratu thawab al-tawhid indallah. La grande récompense que prend le tawhid au cas d'Allah spontané. Thaniya, kasrat takfiruhu ma'avalika les venoum. Tout ce qui explique comme faute, comme péché. رابعة تفسير الآية الثانية وثمانين التي في سورة الأنعام كي التفسير du 80e verset de سورة الأنعام الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة كي les 5 points à retenir dans le hadith d'Ubada qui est l'attestation qui est le sort du message d'Allah صلى الله عليه وسلم et de Isa عليه السلام. Et le fait de croire au Jannah et au Nar. Ça dit ça, annaka idha jama'ta baynahu wa bayna hadith Utban ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qul la ilaha illallah wa tabayyana laka khata' al-maghrurin. Si j'ai pensé quoi, c'est que si jamais tu vas lier, jouer entre les deux hadiths, celui de Ubad et de Utban, tu auras compris le sens de la ilaha illallah réellement, tu ne seras pas parmi de ceux qui, tu auras compris l'erreur de ceux qui sont. On va dire qu'ils s'illusionnent. Ils ne sont pas d'illusions. Marloulin. Sabia, tambih, li shart, al-lazi, fi hadith Ruban. Attention à la condition de hadith Ruban qui est Yabtahim, l'Isaïka, ou Jallah. Je cherche par cela les agents de l'Ascendant. Famina, qu'on est un biais, yartajuna, les tambih, à la fois d'Illah, ilaha illallah. Que les mêmes des NBA ont besoin qu'on leur fasse remarquer le mérite de la ilaha illallah, ce sont le hadith de Abi Sa'id al-Khudri. Pour Moussa alayhi salam. Stasia, et tambih, li rujhani habi jamia al makhlukat, ma'ana kathiran min man yakuluha, yakhif mizanu. Il dit que la ilaha illallah l'emporte sur toute la création. Bien que beaucoup de gens le disent et que leur balance soit légère, leurs actes sont peu. Al-ashira, al-nas ala anna al-aradim sab wa skassamawat. Là, on a un texte dans le hadith de Abi Sa'id qui est malgré tout qui est faible. Et dans le verset, dans le Coran, on a un seul verset, il n'est pas salih, mais on le comprend de cela. Allah qui a créé les sept cieux et des terres pareilles. Des terres pareilles. Là, les ulama disent que ça pue que le fait que les terres sont sept également. Al-Hadi Asha. Anna lahunna ammar. Ou ammar. Que les cieux et la terre ont des habitants. منهم الملائكة مثلا الثاني عشر إثبات الصفات خلافا للأشعارية on affirme les صفات les attributs contrairement aux أشعارية qui les interprètent et ça c'est du tartil hein? Le fait de faire un ta'ouil de la صفات tu la sors de sa réalité c'est un tartil tu l'as supprimé la صفات الثالث عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في الحديث في حديث عبان ف فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قول قولها بلسانه. هناك قد حديث أنس على الحديث عقبان كذلك que Allah interdit le feu à celui qui aura dit la ilaha illallah, qui recherche par cela le visage d'Allah. C'est-à-dire qu'il a délaissé le shirk, et ce n'est pas qu'une simple parole. Même ce n'est pas qu'une simple parole, mais aussi par les actes. Rabi'a Asha, ta'ammul al-jam bin akun Isa wa Muhammad Abdaylal wa Rasulay. Le fait de reconnaître que Muhammad et Isa sont tous les deux des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khamsata'asha, ma'alifat ikhtisas Isa, ikouni kalimatullah. Qui est le fait de reconnaître parmi les spécificités de Isa qu'il est une parole d'Allah. On explique cette fois par le sens de la parole qu'il est, il est excité par le fait que Allah l'ait prononcé. Ama kalimullah, ça c'est le sifat d'Allah. Isa, ce n'est pas le sifat d'Allah, c'est une créature, créée. Al-Khamsata'asha, معرفات كون روحا منه on sache qu'il est un souffle parmi les souffles d'Allah subhanahu wa ta'ala. On explique que ces souffles sont créés également et non pas les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. السابعه عشر معرفات فضل الايمان بالجنه والنار de connaître le mérite d'avoir la foi au jinnah et au nar. الثامنه عشر معرفات قوله على من على ما كان من عمل le fait de savoir quels que furent ses actes. On parle des péchés là. Amen. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala le fait rentrer au Jannah, ma kana alim min amal. Quelque chose ses actes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait pas d'actes, mais qu'il faisait des péchés à côté en fait. Hada wa al-ma'na. Al-tasi'a asha, ma'arifat an al-mizan, là-haut, kifatan. De savoir que la balance, elle a deux plateaux. Et ça, il y a d'autres hadiths qu'il faut mener. Et des fois, quand on dit mizan ou le mawazin, quand on vient avec le pluriel de mawazin, qui est l'objet de mizan, on veut par quoi ? Voilà, les actes du abd. Il faut que je dise, il y a un akoud comment ? Attendez, si on prend le mot mizan vient au pluriel, ça veut dire là, on veut dire par là, les actes, en soi. Ou l'ishroun, ma'alifat, zikr al-wajj. Le fait qu'on a cité le wajj d'Allah, que Allah, il a un visage. Et là, on a même d'autres. D'autres adillahs dans le Coran sont venus sur le Rahman, donc Allah, et Allah il a un wajh. Contrairement à Mu'abdillah qui refuse cela, car pour eux c'est le tajbih. C'est-à-dire qu'Allah il a un wajh, c'est le tajbih, c'est-à-dire qu'on peut retrouver Allah sa créature. Hada wa alladhi akhadna al-yawm, yani, fond de tawhid wa mayukafiruhu min al-dhunub. Le mien de tawhid, est-ce qu'il explique les péchés. Non, on a fait bien Hada wa alhamdulillah.